souviens-tu du bruit des fusils dans la plaine? Le soleil se rouillait dans la mer et le tonnerre couvait sous terre. C'était l'âge d'or. Dans les écoles et le canon sonnait dans les affaires.